Le lac d'amour par George Rodenbach. Quand on dit de quelqu'un à Bruges, Hij heeft van der Minnewater gedronken, il a bu de l'eau du lac d'amour, ce proverbe flamand veut signifier qu'il est, non pas fou, mais anormal, désorienté, avec des goûts étranges, des manies anodines. Or, pourquoi imputer ce sortilège au lac d'amour, ce doux étang qui somnole dans la banlieue verte, contiguë à l'enclos du béguinage? Nulle sorcière n'y a vidé des filtres. Aucune contagion de démence n'émana des calmes berges. À peine un léger vent fait balbutier les peupliers du bord, mais en plainte sans parole. Seuls des échos de prières, des ricochets de cloches sur les pignons et les toits aboutissent là. Alors, pourquoi l'eau du lac d'amour est-elle folle et rend-elle fou? D'autant plus qu'elle ne mire en elle que des reflets pacifiques, le gris du ciel, le blanc des murs et de si rares passants. Et puis, elle s'enjolise, pour ainsi dire, grâce au pur nénuphar qui la fleurit çà et là, fleurs d'innocence close, comme des guimpes de vierge, corolles de linge virginal. Et c'est ainsi depuis des siècles, en ce beau site, affligeant comme si on y avait pleuré. Mais qui y versa des larmes? Des amants malheureux sans doute ont là pleuré sur l'eau, et peut-être que cette eau du lac d'amour me rend fou, comme dit le proverbe, qu'à cause de tant de larmes délayées en elle. Eau de Bruges, c'est femme de Bruges. Celle-ci semble aussi une eau dormante, doux visage à la calme surface, chair placide avec la pudeur d'une poitrine chaste nénuphar. Mais elle est au fond comme lac d'amour, et plus d'une fois, l'étranger qui en approchait les lèvres perdit rapidement la raison. L'aurait-on cru avoir, la belle Godelive, du temps qu'elle était jeune fille, si monotone, cousant ou lisant, toujours à la même fenêtre, dans cette vieille maison du quai du Miroir, où elle vivait avec son père? Celui-ci, le vieux Jacob von Hammel, marié tard, resté veuf, et n'ayant que cet enfant unique, se réjouissait de cette paisible existence avec sa fille. Riche, d'ancienne famille, marguillier de l'église Saint-Valburge, il aurait été parfaitement heureux si sa santé, par moments, en se détraquant, ne l'avait contrarié dans ses petits plaisirs de dévotion et de gourmandise. Sa fille était pour lui pleine d'affection et de gracieux soins, ne l'encombrant pas d'elle-même, volontiers casanière, assise derrière le tulle des rideaux, rêvant à on ne sait quoi, indifférente même aux passants qui imagent parfois le double petit miroir appelé espion posé sur l'appui extérieur de la fenêtre et où les autres femmes de Bruges, curieuses et oisives, aiment à attirer et à capturer la vie des quais ou des rues. Mais Godelive n'avait pas cette humeur légère, ce goût de vie anecdotique ou de quelques secrets. Sérieuse et comme végétative, eût-on dit, elle semblait remuer en elle des rêves confus, des fumées, des écheveaux de pensées vagues. Comme elle était jolie et de plus riche, tous les jeunes gens évoluèrent autour d'elle. C'était la perle de Bruges. On l'appelait la belle Godelive. Mais elle passa indifférente au milieu de tous ces hommages, sur lesquels elle avait l'air de glisser, comme les signes des canaux glissent sur des reflets. Pourtant, elle se maria grâce à une manigance un peu céleste et romanesque. Le vieux von Hammel, qui souffrait depuis longtemps d'une maladie chronique, ayant en vain consulté tous les médecins, jugea qu'il était plus simple et plus sûr de demander sa guérison à Dieu. Il partit avec sa fille pour le pèlerinage de Lourdes, mais il n'y fut point guéri, comme si Dieu s'était occupé d'autre chose quant à eux. En effet, Godelive et son père avaient lié connaissance durant le voyage avec une famille de Lille, amenée là par le même espoir pour la mère depuis longtemps malade, et qu'accompagnait son fils, un jeune homme doux et charmant, qui ne tarda pas à s'éprendre de la belle Godelive. Or, un soir, que tout le pèlerinage, en armée immense, avait cheminé autour de l'église, puis s'était agenouillé, portant des cierges, Godelive sentit tout à coup le jeune homme, prosterné à côté d'elle, lui prendre la main, et sans qu'elle ait eu le temps de la retirer ou de se reconnaître cette brusque audace, lui passa une bague à l'annulaire. Aveu muet d'un adolescent timide, qui n'aurait pas osé des paroles d'amour et tentait, par le complaisant anneau, d'amarrer sa vie à la belle Godelive. Godelive, mariée, n'avait pas quitté la maison du quai du Miroir où le vieux von Hammel était mort un an après les noces. Cela faisait toujours un ménage de deux personnes, le mari ayant remplacé le père, avec encore la même ancienne servante, pas d'enfant. Et Godelive avait repris sa vie presque pas changée, toujours casanière, assise derrière le tulle des rideaux, occupant ses doigts au jeu des dentelles, remuant des pensées vagues, des écheveaux de fumée en elle. Pourtant, elle aimait son mari, ce pauvre Dronsard, si vibrant, si artiste, mais elle l'aimait d'une passion silencieuse et couvée. Dans les premiers mois de son mariage, elle connut des ardeurs, une palpitation de fleurs et de flammes. Aussi, à l'approche du soir, une petite fièvre la prenait, un frisson aux doigts, une rougeur aux pommettes, comme dans l'attente d'un délire dont on a peur. Mais tout cela demeurait latent, invisible, en agitation profonde, en remous sous-marin, pourrait-on dire. À la surface, Gottlieb apparaissait paisible, monotone, un peu indifférente et froide. Son mari en éprouvait même un malaise. Sa parole brûlante se faisait mal sur ce ton calme. Ses yeux éprouvaient, en la regardant, ce que doivent sentir les astres quand ils se posent sur le haut du lac d'amour, sans savoir qu'ils éveillaient, en réalité, mille échos de lumière, la brûlant jusqu'au fond. Mais comment le deviner? Comment mettre à l'unisson ces deux âmes, le mari, âme de France, de ce pays de l'île, alerte et vivant, âme éclose sous un clair soleil, parmi des pierres blanches, une campagne de prairies vertes, et la femme, âme de Flandre, née à l'ombre, emmaillotée en des brumes, portant en elle le silence d'une ville grise, la cendre d'un grand passé, les échos émiettés de cloches, l'eau sans but des vieux canaux. Comment, pour l'étranger, communier avec tout cela, vivre au bord de tout cela? Dronsard lutta un moment, puis il tomba en mélancolie, d'autant plus que son rêve se trouvait encore déçu d'un autre côté. Riche et désœuvré, il s'était créé de bonheur une occupation dans la peinture, pour laquelle il semblait doué. Il avait même conçu quelque ambition, le lointain espoir, après avoir beaucoup travaillé, d'exposer un jour à Paris, d'y prendre rang peut-être parmi les artistes en renom. Au moment de son mariage, comme l'amour se donne toujours de bonnes raisons à lui-même, il avait commencé par se réjouir en tant que peintre d'aller habiter une ville qui a une tradition d'art, qui conserve à son hôpital, dans un cadre de murs blanchis, de coiffes de religieuses et de jardins ourlés de buis, les candides merveilles de Memling. Là, du moins, il y a de l'art dans l'air. Il en aurait aspiré des effluves, recueilli des germes. Il aurait peint aussi, se serait mesuré avec ses grands souvenirs. Aujourd'hui, il se sentait dupe d'un mirage. On n'avoisine pas impunément les cimetières. On ne marie pas la mort avec la vie. Il se sentait le prisonnier du passé. Tyrannie de ses grandes ombres, jalouse emprise des vieux peintres dont le règne se continue. Depuis qu'il habitait Bruges, après avoir admiré, adoré, en tant qu'archaïsme, le vieux Van Eyck, le vieux Memling, il avait peu à peu subi le sortilège. Les tons s'étaient obscurcis sur sa palette comme si l'ombre de ses morts s'y allongeait. Les gestes s'étaient circonscrits, figés. Il ne représenta plus comme eux que des antiquaires, des vierges, des peseurs d'or, des donateurs. Il les imita. Peu après, il en arriva à ne plus que les copier. Il semblait que toute autre pensée d'art que la leur fût sacrilège ici. Ça aurait été pauvre comme un cierge qui veut brûler au soleil. Dronsard était vaincu. Il ne peignit plus, dépris de son art et de tout. D'autant plus que Gottlieb s'intéressait si peu à son travail. Il s'était reconquis un jour pour commencer un portrait d'elle. Mais, avec sa manie exclusive pour les primitifs flamands, au lieu de la représenter comme elle était, moderne, décorative, belle et calme, une de ces femmes qu'on regarde comme un horizon, il l'a voulu du XVe siècle, en hennin, robe de velours et collerette. Gottlieb se lassa de la longue pause, se trouva un peu ridicule en cet accoutrement et en une attitude voulue hiératique. Elle découragea le peintre, qui retomba plus lourdement dans une défiance, dans une inaction désormais irrémédiable. Il n'entra plus dans son atelier. La poussière accumula sur les toiles inachevées une fine cendre morte, et sa palette, où la pâte des tubes crevés sécha, se durcit, apparut triste, comme un petit cimetière de couleurs. Que faire dans le vide des journées? Gottlieb sortait peu, volontiers casanière, toujours assise derrière le tulle des rideaux, à faire jouer ses doigts dans les fils de la dentelle ou de quelque autre ouvrage de main. Dronsard tuait le temps en longue promenade, parfois avec un de ses seuls amis qu'il eut là, le musicien Dax, étranger comme lui, assez isolé, assez dépaysé en cette Bruges pensive où il était venu diriger l'école de musique. Sans fortune, il avait trouvé ainsi une situation assurée, tranquille et même un peu lucrative, moyennant l'appoint de la maîtrise de la cathédrale, dont il était devenu l'organiste, Néanmoins, il regrettait souvent sa jolie ville de Liège, avec ses jardins en suspens et son riant fleuve de la Meuse. Liège est une ville d'esprit très français. Ronsard et Dax se trouvaient presque compatriotes en l'exil morose de la vieille cité flamande. Ils se lièrent vite étroitement. Le musicien aussi avait des ambitions d'art. Il composait des mélodies, des fragments d'opéra. Des après-midi se passaient à en faire des auditions au piano chez Dax lui-même ou chez Ronsard. La belle Godelive y assistait parfois, étant musicienne, ayant naguère chanté au Jubé, dans le couvent des Ursulines, où elle fut pensionnaire. Maintenant, elle s'était remise à la musique, pour faire plaisir à son mari, pour chanter les œuvres de Dax, qui souvent l'accompagnait. Cette relation nouvelle avait apporté un peu de bruit et de gaieté dans la maison morne, d'autant plus que Dax était bien vivant, vibrant. Son rêve ne s'était pas encore enlisé dans l'eau morte. Il travaillait, il ambitionnait. Son ardeur se communiquait à Godelive, car souvent, tandis qu'elle chantait, le musicien, emporté par la mélodie dont les dessins de l'aile étaient en lui, se mettait à chanter avec elle, à voix tressée. Il semblait alors à la jeune femme que leur voix les quittait, se mettait à cheminer à deux, frémissante, passionnée. De sentir, côtoyant sa voix, cette voix d'homme, elle en éprouva bientôt une sensation presque physique, comme d'un rapprochement, d'un attouchement sur elle-même. Jeu périlleux, entraînement d'une pente où la rêverie s'aventure. À force de chanter ensemble, de se dire, par simulacre, les ordinaires paroles d'amour des textes mis en musique, de mimer ainsi tous les aveux et les transports de la passion, une confusion s'opéra. À force de se demander des baisers au long des cavatines, de se chercher de se fuir dans le dédale en fleurs des vocalises, l'idée leur vint des réels baisers et d'un amour qui serait de la vie. Godelive, exaltée par la musique, chantait maintenant pour Dax, avec la langueur passionnée qu'elle avait jadis au Jubé à chanter pour la Vierge. Le musicien l'enivrait, la subjuguait, ne conduisait plus seulement sa voix. Elle sentait son cœur, docile aussi, battant à mesure. Nulle musique ne lui avait jamais paru plus admirable. Certes, cet homme avait du génie. Il était beau quand, avec ses cheveux en embrouille minime de sol, il se penchait sur le clavier, jouait seul, faisait craquer les touches sous ses mains victorieuses, l'air d'un dompteur pour qui l'instrument s'échevelait, hurlait en cri de lion, râlait de plaisir comme une bête vaincue. Godelive aussi était déjà vaincue, obéissante à tout ce que son héros exigeait d'elle. Chaque dimanche, elle ne manquait pas d'aller à la grand-messe de Notre-Dame, où Dax tenait les orgues. Au moment non chanté de l'office, il avait l'habitude d'improviser. C'était le moment délicieux pour Godelive, accord lent, attouchement câlin comme d'un passage d'aile. C'était si vague, un peu lointain. Une mélodie voilée, des rythmes à peine dépliés, un brouillard de musique à ras du clavier. Godelive écoutait, pâmé. C'était pour elle qu'il jouait de la sorte. On aurait dit une confidence, des airs chuchotés. Cela lui arrivait presque bas à l'oreille et pourtant brûlant. Ainsi son souffle, les premières fois qu'il lui avait parlé d'amour et qu'elle l'avait écouté, avec la même torpeur délicieuse qu'elle éprouvait maintenant à entendre l'orgue, avec la même sensation du cœur qui se retournerait, chavirerait vers on ne sait quelle eau tiède, pleine de lune et de grottes magiques. Godelive avait glissé d'autant plus vite à cet amour que son mari s'était de plus en plus tout dépris d'elle. Ce pauvre Ronsard, si alerte et si piaffant d'abord, n'avait pas pu supporter cette immense mélancolie de Bruges, ce qu'on pourrait appeler un autre climat d'âme. Et aujourd'hui, Godelive, à qui il ne reprochait que son apparente froideur, car il n'avait rien deviné de sa passion nouvelle, faisait partie du grand crépuscule descendu sur sa vie. En elle aussi, il avait été déçu. De plus en plus, il avait glissé à des humeurs noires. Il ne songeait plus à peindre, ne s'intéressait désormais ni à l'art ni à rien. Même ses séances de chant et de piano avec Dax, où il se plut d'abord, ne le distrayaient plus. La musique l'ennuyait. Et un jour que le musicien et Godelive avaient chanté une mélodie toute fraîche et heureuse, comme l'eau qui coule, ils virent en se retournant Ronsard qui pleurait. Il leur en vint même un subit émoi. Soupçonnait-il quelque chose? Mais l'homme ne pleurait que sur lui-même, sur sa vie manquée, sa solitude d'âme. Il extravasait simplement, dans le silence, le trop de tristesse que la ville morte avait versé en lui. Cette amitié de Dax, qui lui avait été précieuse d'abord, et sans qu'il en sût aujourd'hui la trahison consommée, lui était devenue indifférente. Elle était comme tombée en désuétude. Il aimait mieux ne plus causer, être seul, flâner au hasard. Et il sortait sans cesse, marchant infatigablement le long des quais, dans les banlieues solitaires, au son de grands moulins dont la rotation lente l'attirait, comme s'ils allaient aussi pouvoir moudre ses peines, les émietter en une poussière incolore et voisine du néant. Durant ce temps, Dax et Gottlieb s'aimaient, de longs après-midi autour du piano, canevas de musique que leur passion brodait, duo fervent où les paroles d'amour, commencées en chant dans une des bouches, allaient finir dans l'autre. Ronsard sembla subir une éclaircie au milieu de ses farouches humeurs noires. Un jour, au retour de ses interminables promenades, il apporta à Gottlieb une bague d'or qu'il avait achetée pour elle. Gottlieb fut toute surprise. Pourquoi ce cadeau? Surtout qu'il ne s'accompagna d'aucun réveil de tendresse. Paul, en rentrant, lui avait soudain pris la main, sans rien dire. Il lui avait glissé au doigt cette bague neuve, à côté de celle des fiançailles qu'elle portait toujours. L'alliance donnée à Lourdes, silencieusement aussi, et en aveu d'amour, le soir qui avait décidé de leur destinée. Le nouvel anneau était précieux. Dans un cercle d'or, une vaste opale, comme une larme de la lune. Qu'est-ce que cela voulait dire? Gottlieb n'était pas friande de bijoux, elle n'en portait même jamais. Elle fut plus déconcertée encore quand, peu de jours après, avec le même cérémonial muet, il lui apporta et lui mit au doigt une autre bague, non moins précieuse et coûteuse que la première. Cette fois, elle l'interrogea, chercha à savoir. Il faisait des folies, vraiment. Paul n'avait rien répondu. D'ailleurs, il ne parlait qu'à peine depuis quelque temps, et il courut vite s'enfermer de nouveau dans sa chambre. L'explication ne tarda pas, décisive et terrible. Les achats de bagues avaient continué presque quotidien. Ronsard en avait aussi acheté pour lui-même. Il la portait maintenant à tous ses doigts et plusieurs à chaque doigt. Chacun de ses gestes luisait d'un éclair de pierre. Et ce n'est pas tout. Dans la vieille demeure du quai du Miroir, affluèrent bientôt de multiples commandes de bijoux qu'il avait faites en même temps, courant tous les orfèvres de la ville. Bagues encore et encore, parures, chaînes. Définitivement misanthrope, étrange, détraqué, la folie avait enfin éclaté, s'était focalisée en cette seule manie anodine, ce coup d'or et de luxe, comme si, inconsciemment, il avait voulu se défendre, par le métal brillant et les pierres à facettes, contre la brume du nord dont il se mourait. Gottlieb, qui depuis longtemps avait senti son mari s'en aller d'elle, ne fut qu'effrayé, car tout son cœur était ailleurs. Mais la pitié survit toujours dans le cœur des femmes. Elle se remémora les commencements, le bonheur premier, l'alliance glissée à son doigt le soir de Lourdes, dans l'obscurité, comme un baiser significatif, mais qui n'osait pas, baiser silencieux et froid de l'or sur la chair. Oh, cette bague, pour s'avouer! N'était-ce pas déjà un signe, le premier indice d'une crise qui venait maintenant d'éclater, plénière et irrémédiable? Ronsard était fou. Que faire? Et comment garder le malade qui pouvait devenir dangereux? Les événements eux-mêmes décidèrent. Il fallut interner Ronsard dans un hospice d'aliénés, où peu de mois après il mourut. Gottlieb assista aux dernières scènes. A avait décharné sur le lit, il s'obstina jusqu'au bout à jouer avec ses bagues, les changeant de doigts, les soupesant dans sa main comme au plateau d'une balance. Et à la suprême minute, on entendit moins son dernier souffle expirer, qu'un bruit de bague soudain lâché qui s'éparpillait par la chambre comme si c'étaient les anneaux de la chaîne de sa vie enfin rompus. Un an après son veuvage, Gottlieb s'était remarié avec le musicien Dax. Ce fut vite pour elle comme si sa vie avait toujours été telle, si peu de choses avaient changé. C'était de nouveau un ménage de deux personnes, un mari ayant remplacé l'autre, comme jadis le premier avait remplacé le père, avec sans cesse la même vieille servante. Et Gottlieb, toujours casanière, derrière le tulle des rideaux, se remit à créer les mêmes fleurs de dentelle, un dessin encore pareil, aux roses de givre, aux silencieux méandres d'argent. Femme de Bruges, ô de Bruges! Ces hommes se succédant dans la maison et dans la vie de Gottlieb étaient comme les signes des canaux, les signes du lac d'amour. Ceux-ci avancent, un par un, à distance, dérangent une minute l'eau tranquille, mais la reprit vite son grand calme indifférent, sa surface unie, où s'aplanissent les moires, les rides d'un passé déjà aboli et dont nulle trace ne demeure. À l'origine, quelques-uns jasèrent dans la ville sur ce mariage de la belle Gottlieb, car elle restait belle et on l'appelait toujours ainsi. On ébruita que Dax était déjà auparavant l'intime ami du ménage, et peut-être surtout celui de la femme. Quelques amis de Godlieb s'étonnaient d'autre part de ce mariage avec un homme sans bien et qui n'avait qu'une position médiocre, directeur de l'école de musique. Ce n'était pas digne d'une jeune femme d'ancienne famille et de solide fortune comme l'était la fille du vieux Jacob von Hamel. Godlieb entendit ses doléances et elle en souffrit dans sa vanité bourgeoise. Aussi amena-t-elle bientôt son mari à démissionner de ses emplois. Il quitta l'école de musique, il abandonna aussi les orgues de Notre-Dame. On jugea tout cela incompatible avec son nouveau rang social et l'échelon dans la hiérarchie bourgeoise de la ville où son mariage l'avait maintenant fixé. Peu après, Dax aperçut qu'il avait ainsi, sans le savoir, coupé les derniers liens qui le rattachaient de loin à la musique. Depuis longtemps, il avait commencé à déserter son art. Il ne composait plus guère et Godlieb ne chantait plus. Du moins, à son école, il vivait encore dans une atmosphère de musique. Enseignant le contrepoint et l'harmonie à deux ou trois élèves, dirigeant parfois des concerts. À ses orgues aussi, il redevenait un peu lui-même. Il tâchait d'improviser. Ses mains tâtonnaient d'abord au clavier, comme au mur d'une maison où l'on rentre le soir et qu'on a trop oublié. Puis il se retrouvait, reconquérait un peu, ressuscitait, durant une minute, tout l'autre fois. Brève éclaircie. Quand, sous l'influence de Godlieb, il eut quitté l'église et l'école, s'en fut fait de son art et de lui. Dax souffrit d'abord. Il avait conscience de son abdication, de son renoncement. Ah, les beaux rêves, l'ambition de devenir à son tour un grand musicien, un de ces fleuves qui partent pour couler à travers les siècles. Qu'est-ce donc qu'il avait fait soudain tout stagnant? Est-ce la faute de Godlieb? Est-ce la faute de la ville? Dax en était venu à l'état d'esprit où il avait connu Dansard. Celui-ci lui avait prédit l'inévitable déchéance. Il y touchait. Encore si Godlieb lui avait été un recours, mais jamais plus elle n'avait recommencé à chanter ou à jouer des musiques. Pourtant elle était musicienne. Jadis elle s'intéressait au temps premier de leur amour, quand elle interprétait à voix chaude ses œuvres d'alors, les pages à peine nées que sa voix colorait, dorait d'un beau rayon. Maintenant elle ne chantait plus jamais, le piano était fermé comme un cercueil noir. Dax souffrait. Oui, Dansard eut raison autrefois, quand il eut peigné le morose avenir ouvert devant lui. C'est vraiment un calvaire, la vie en cette province avec une âme d'artiste. Dansard avait parcouru la voie douloureuse jusqu'au bout. Maintenant lui-même suivait ses traces. Il ressemblait d'heure en heure davantage. N'est-ce pas par une ironie et une cruelle manigance de la destinée qu'il avait été amené, afin que son sort fût tout pareil, à aimer sa propre femme, à le remplacer lui-même dans sa maison et dans son lit? Est-ce qu'il allait maintenant l'imiter dans sa maladie et dans sa mort? Cette idée, une fois entrée, tourmenta le musicien, lui frappa l'esprit. Il se mit à reconstituer la vie de Dansard, les douloureuses étapes, comme d'un frère mort d'une maladie dont on est atteint à son tour. Godlieb s'affligeait du grand changement survenu dans l'esprit, naguère si alerte et si vibrant du musicien, car elle l'aimait de son calme amour énigmatique. Mais elle ne savait pas lui parler, l'enjoler, trouver les paroles qu'il fallait. D'ailleurs, elle le préférait à s'agir ainsi, plus conforme à elle-même. À ce moment, il éprouva un grand émoi. C'était le jour de sa fête. Ils avaient gardé, du commencement de leur mariage, l'habitude d'échanger pour ses anniversaires de menus cadeaux, de gentils brimborions. Or, cette fois, Dax lui fit un cadeau sérieux. Depuis l'épouvantable aventure de la folie de son premier mari, toutes ses bagues accumulées, achetées par lui d'heure en heure, elle n'en avait plus pu supporter aucune à ses doigts. Les anneaux lui faisaient horreur, froid comme la mort même. Elle allait les mains nues. Or Dax, qui le savait pourtant, lui apporta pour sa fête une fine et riche bague. Godlieb tressaillit, refusa de la passer à son doigt, s'effraya. Qu'est-ce que cela voulait dire? Le lendemain, l'émoi de Godlieb fut plus grand encore. Dax, d'un air cauteleux, lui reparla de la bague offerte la veille, l'approuva de ne point l'avoir voulu porter, avouant qu'elle n'était pas d'un choix judicieux et que son goût avait été mis en défaut. Aussi en avait-il acheté une autre, tout à fait ravissante et princière cette fois, et brusquement, ouvrant un écrin, il voulut passer un des doigts de sa femme, le lourd anneau brûlait une opale comme une larme de lune. Godlieb s'épouvanta. Était-ce un cauchemar horrible, ou la sacrilège parodie de son passé d'adultère, dont le remords souvent encore l'assaillait? Il y a ainsi dans la vie des recommencements inexorables. un talion mystérieux et terrible qui amène le retour d'un même drame dont on devient la victime après en avoir été le témoin. Coup du glaive de l'éternelle justice qui frappe au même endroit où on frappa les autres. Loi, règle, destinée fixe, châtiment qui se copie sur la faute. Dax avait voulu venir après Dronsard dans l'amour de Gottlieb. Il le suivit dans tout le reste du sillage de sa vie et jusqu'au bout. Il fut frappé de la même folie à force de songer à lui, de se trouver semblable à lui, d'être semblable à lui. Gottlieb, après les deux drames de son double veuvage, quitta le monde et entra au béguinage, où dans le calme enclos, plus rien ne dérangerait sa vie désormais close. Dans la prière et les jeûnes, elle fit pénitence, demanda pardon à Dieu, ayant conscience maintenant que ses malheurs étaient advenus par sa faute, n'avaient été que la punition de son coupable amour. Pourtant une faiblesse tendre lui restait au cœur quand elle songeait à Dax. Elle l'avait bien aimé, sans oser, sans savoir le lui faire sentir. Peut-être qu'il n'aurait pas fini ainsi, s'il avait compris, s'il avait pénétré ce qu'elle cachait dans l'eau morte de Bruges qu'était son âme. Maintenant elle le regrettait, dans d'infinissables songeries, surtout dans la tristesse des soirs de dimanche, car ce jour-là, au béguinage, est tout résonnant d'orgue. Il y a la grand-messe du matin, les vêpres, le salut. Gottlieb, dans les motets, les hymnes, les accords en méandre, retrouva tout le passé, les câlines improvisations de Dax. Il lui semblait que c'était encore lui qui jouait et que les années n'avaient point couru. Le soir de ces jours-là, seul, à la fenêtre de sa chambre, en son petit couvent, dont la façade extérieure donnait sur le lac d'amour, elle restait longtemps à rêver, à regretter, à évoquer, pleine de fièvre et de mélancolie. Et plus d'une fois, elle pleura sur l'eau. C'est sans doute à cause de ces larmes, qui ont rejoint d'autres larmes, c'est à cause de tout ce sel de la douleur, délayé dans l'eau, que le lac d'amour rendra encore fou d'autres hommes qui en boiront, et continuera dans les siècles le mortel sortilège dont le doit le vieux proverbe, et qui fait de lui, eau incolore, quelque chose d'aussi redoutable que le poison des plantes et la beauté des femmes. Ainsi s'achève Le lac d'amour par Georges Rodenbach.